L. Moi je nagerai jamais le son sur n'importe quel instru, pas de mytho. Je descends mon pantalon très tôt dans le rap game. Une nouvelle dimension, chez nous y'a pas de problème, il n'y a que des solutions. Cependant, j'ai trahi le rap, mais je ne l'ai pas quitté. À l'internat, à l'école, à la maison ou au QG. Ce qui m'a fait tenir, dis-toi bien. De l'amour, du sport, de la haine, de la joie, du chagrin. Et de la musique, c'est certain. J'investis plus que des pépettes pour améliorer mon quotidien. Pour ceux qui nous suivront jusqu'au bout de nos rimes, j'en quille en featuring. J'ai kill mon synonyme. J'ai trahi le rap, je le regrette. Un parcours qu'aucun MC n'aura le temps de connaître. Pour notre public, on repart à la conquête. À la guerre, y'a pas de sentiment, ça pue la défaite. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 années. On est désolé de vous avoir laissé seul. On est désolé pour ceux qui nous ont oublié. On est désolé. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 années. On est désolé de vous avoir laissé seul. On est désolé. Si je t'ai fait du mal, tellement que je t'aime que je deviens un animal. Je n'ai plus rien d'humain, ma parole est une balle. Et quand elle te touche, tu te couches, c'est viral. À qui dois-je m'attacher? Il n'y a que toi. Je suis trop possessif, tu peux comprendre mon émoi. Pour le pleura, j'ai tout sacrifié. Je le mettrai pas sur le trottoir, je l'ai déjà marqué. Un adulte connaît les vices comme son premier bédo. S'il y a du fond, je dévisse, la forme c'est mon flow, mec. Tu peux courir pour avoir mon grain. Toutes mes excuses si j'ai trop fait le gamin. C'est toujours quelques pommes pourries qui pourrissent tout le panier. C'est mon amour pour toi qui me fait digérer. Chaque épreuve est importante, je te partage avec les auditeurs. Car tout semble que ça vient du cœur. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 années. On est désolé de vous avoir laissé seul. On est désolé pour ceux qui nous ont oublié. On est désolé. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 années. On est désolé de vous avoir laissé seul. On est désolé pour ceux qui nous ont enterrés. On est désolé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 10 années. Je suis désolé, mais il ne me fallait pas autant de temps pour comprendre que j'ai déconné. Je suis désolé, go. Où sont les gangsters au grand cœur? La réalité a autant de cœur que le meilleur des procureurs. J'enfile ma casquette de rappeur en face, y'a du dégoût. Frères et sœurs, n'oubliez pas, le rap vient des égouts. J'assume tous mes faits, j'assume tous mes gestes. Tu sais qu'il en reste, tu sais qu'on en jette. Aucune victoire, aucun butin, mais je reste au front, y'a la terre. La poussière, à la poussière, nous reviendrons. Certains dans la réalité se vautrent, rêvant entre autres de sales tripes qui fâchent beaucoup les nôtres. Tu en auras pour une bonne dizaine d'années. Désolé pour ceux qui voulaient nous enterrer.